J'ai arrêté la télé, on y voit que des pétasses. J'participe pas à l'abrutissement des masses. Détruire consciemment le cerveau des jeunes, j'appelle ça un crime, car les cerveaux jeunes, ils préparent les jeunes à les faire rentrer dans leur système. C'est un programme de domination, toujours le même. Abrutir les humains, en faire des cons, des pions, pour les empêcher de réfléchir, éviter la révolution. Ça leur permet de garder leur place et de passer l'hiver au chaud pendant que les cœurs glacent. Pas de parano, regarde l'évolution, télé, radio, ils n'ont rien créé, rien ne date d'hier. Ils continuent leur monopoly de Gulliver pour dominer les peuples par la peur. La propagande a toujours fait leur beurre, mais là, vraiment, ça crève l'écran. D'ailleurs, ça serait bien de les crever ces écrans. À quand les Macs à Mykonos? À quand les putes à Saint-Tropez? Pour ces grosses brutes, à quand la fosse ou la falaise? Moi je prône une vie de bohème, rentrez pas dans leur système. Je voyage partout où la vie est féconde. Je vois mes potes et des étrangers. Mon cerveau s'ouvre au monde et les nouveaux paysages me font rêver. Les meilleurs moments viennent des choses les plus simples. Alors je vis simplement et la vie me le rend si simple. Je me suis détaché du matériel, je suis nu. Alors je me sens libre comme un roi. C'est pas moi qui suis à la rue, c'est la rue qui est à moi. La.